L'argent fait tourner le monde, mais pas toujours dans le bon sens. À la Nef, nous avons lancé le Big Bank, afin de créer la première banque éthique indépendante française. Une banque coopérative dédiée à la transition écologique et sociale. Nous sommes déjà plus de 47 000 à y croire. Rejoignez-nous et retrouvez toutes les informations sur jeparticipeaubigbank.fr. La Nef, pour la banque éthique. Aujourd'hui, le magazine d'archéologie de France Culture part vers la façade occidentale de l'Asie mineure, terre dont je ne connaissais rien, mais qui fut pour mon invité le théâtre d'interactions importantes, zone de contact entre les mondes européens et orientaux. Un temps terre persane, celle-ci fut aussi disputée entre nombre de royautés hellénistiques, séleucides, lagides ou antigonides. L'occasion était alors de découvrir des fouilles et leur actualité, celle d'un étonnant lieu saint, un sanctuaire espace sacré dans lequel se déroulèrent nombre de pèlerinages, notamment sous le règne du fameux roi Mosol. Pour en parler, Olivier Henry, bonjour. Bonjour. Professeur à l'Université de Lyon 2, membre du laboratoire Histoire et Sources des mondes antiques, Olivier Henry, vous êtes directeur de la mission archéologique franco-turque de Labrunda, mission qui vient d'être couronnée par le Grand Prix d'archéologie Simone et Cino del Duca, décerné par l'Institut de France. Mais revenons à notre sujet. Olivier Henry, si je vous dis Halicarnasse, Stratonicée, Milet, Cnide ou Terra, que me répondez-vous? Probablement que nous sommes entre les îles de Rhodes et de Samos. Oui, je vous répondrai qu'on est en terre carienne, hein, dans le sud-ouest de l'Asie mineure antique, donc le sud-ouest de la Turquie actuelle, au sud du grand fleuve, le Méandre. On est sur le plateau anatolien encore? Non, on est un petit peu en dessous du plateau anatolien. On est dans des terres qui sont très montagneuses, hein, qui annoncent un petit peu le torus qui va se développer plus au sud, plus au sud-est. On est dans des terres qui sont marquées par une succession de profondes vallées, de très hautes montagnes, et qui vont jouer un rôle décisif d'ailleurs, hein, dans le développement et l'histoire de cette région. Et en bord de mer? Et en bord de mer, avec une des régions qui a la plus longue côte de l'Antiquité. Oui, oui. Alors la région a donné quelques penseurs, Denis d'Halicarnasse au 1er siècle avant notre ère, et surtout Agatharchide de Cnide, le fameux géographe du 2e siècle avant notre ère. Et oui, il y en a d'autres. Et d'autres. Pensons à Hérodote, hein, qui était lui aussi originaire d'Halicarnasse, et nous ne sommes pas très loin de Milet, qui un temps fut intégré à la Carie avec les fameux présocratiques, et puis des personnages comme Thalès, Hippodamos, qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Et qui nous ont laissé des textes capitaux. J'évoque quelles les interactions culturelles sur cette façade égéenne de l'Anatolie? Celle-ci remonterait dès le deuxième millénaire avant notre ère? Oui, alors c'est une période un peu compliquée. Deuxième millénaire avant notre ère, on a une énorme influence hittite, hein, qui pénètre vers l'ouest de l'Anatolie. En ce qui concerne la Carie et les Cariens qui nous regardent aujourd'hui, c'est un peu un flou, puisqu'on a des sources qui sont assez contradictoires. On a des sources tardives grecques qui nous parlent des Cariens comme étant un peuple originaire de la mer, hein, donc ces fameux peuples de la mer qui ont envahi l'Égypte. Oui, exactement. Par contre, on a des sources, on dispose de sources hittites qui nous parlent d'un pays des Cariens, alors que nous interprétons comme étant le pays des Cariens, ils nous parlent de Karkisha ou Karkia, hein, autour des 14-15e siècles avant Jésus-Christ, qu'on pense être les Cariens et qui sont déjà localisés dans cette partie du sud-ouest de l'Asie mineure. En tout cas, il y a des interactions avec, d'un côté, les Hittites appartenant bien sûr à la Turquie, et puis de l'autre côté avec la civilisation mycénienne. Oui, oui, oui. En Carie, on trouve de très nombreuses nécropoles mycéniennes, hein, qui ont marqué l'archéologie de ces dernières décennies, hein, qui ont permis de découvrir de très grands et de très beaux sites. Alors c'était là encore, on a toujours des problèmes. Vous savez, en archéologie, c'est un peu un puzzle. Donc on trouve notamment les nécropoles, on ne trouve pas les habitats. Alors on cherche encore les habitats mycéniens, mais on a de très très belles nécropoles mycéniennes, malheureusement très largement pillées, mais de très belles découvertes. Ouais. Alors que sait-on sur la Carie et les anciens Cariens? Connaissait-on par exemple leur langue? Alors, on connaît leur langue. Les Cariens disposaient d'une langue et d'une écriture, le carien. Bizarrement, c'est une langue qui est déchiffrée, mais qui n'est pas traduite. C'est-à-dire qu'on arrive à la lire, on connaît la valeur des signes, mais on a du mal à comprendre la grammaire de la langue, pour la bonne et simple raison que nous ne disposons pas d'assez de sources. Vous savez, quand on casse un code de langue, l'élément principal, primordial, c'est la quantité de sources, puisqu'on va travailler sur des statistiques. Et pour le carien, on a très très peu de sources écrites, malheureusement. Et paradoxalement, la plupart des textes cariens que nous connaissons, principalement épigraphiques, sont originaires non pas de Carie, mais d'Égypte, au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ, puisque les Cariens étaient considérés comme des mercenaires très fameux. Ils étaient engagés à cette époque-là par le pharaon d'Égypte pour qu'il menait ses guerres. Et nombre de ces Cariens sont morts, et l'habitude de créer des inscriptions funéraires en Égypte était déjà très largement développée à cette période-là. Et donc les Cariens ont attrapé cette habitude en Égypte. Et c'est la raison pour laquelle on a énormément de textes cariens en Égypte. Mais on a fait des découvertes décisives, notamment à partir des travaux d'Adiego Ignacio, qui permettent aujourd'hui de bien comprendre cette langue et notamment de confirmer le fait que c'est une langue indo-européenne et donc qui confirmait en fait l'origine anatolienne de cette population. On sait à quand remonte cette écriture ? Malheureusement non. C'est une écriture qui appartient à la grande famille des langues anatoliennes dont sont issues le louvite et le hittite. Mais les premières sources écrites cariennes sont relativement tardives puisqu'elles datent du 7e siècle, la fin du 7e siècle, début du 6e siècle avant Jésus-Christ. Sur cette côte turque, les 50 dernières années ont été des décennies d'urbanisation, d'industrialisation, mais aussi de pillage systématique. Désormais, il n'y aurait plus rien à faire dans la majeure partie des grands centres antiques. Non, quand même pas. C'est vrai que la Turquie, depuis, disons, le tout début des années 2000, même voire la fin des années 90, a connu une explosion urbaine, et en particulier en province. Alors, on connaît tous, bien sûr, Istanbul, mais en province, il y a eu une accélération des développements des centres urbains. Et il est vrai que la plupart des grandes cités antiques se trouvent aujourd'hui en dessous de grandes villes modernes. Halicarnasse, par exemple. Halicarnasse, par exemple. Et Bodrum. Oui, exactement. Qui plus est, une cité balnéaire, donc c'est très compliqué d'y toucher, mais on a encore quand même de très très beaux sites qui sont aujourd'hui localisés en pleine campagne et qui nous offrent encore de très belles découvertes. Milas aussi aurait été... Alors Milas, l'ancienne Milassa, l'ancienne capitale carienne, est aujourd'hui en dessous d'une ville qui s'appelle Milas. Vous voyez comment le nom a perduré. C'est vrai que le problème est que l'archéologie préventive en Turquie n'est pas aussi développée qu'elle l'est ici et que c'est un peu la part, la moins importante de l'activité archéologique en Turquie aujourd'hui. Mais il y a énormément de développement et on espère que ça va continuer à se développer. Remontons le temps et faisons un peu d'histoire. Nous sommes en 546 avant notre ère. La ville grecque de Phocée est prise par les Perses de Cyrus le Grand. Les Phocéens quittent alors et migrent vers Marseille. Nous en parlions bien sûr récemment dans une émission. Mais que se passe-t-il dans la Carie voisine ? Alors la Carie qui vient d'être soumise au royaume de Lydie change de main puisque le royaume de Lydie est soumis aux Perses qui pénètrent donc cette façade égéenne. Et du coup, donc les Cariens tombent dans l'escarcelle du monde perse. Et ce sont les sources écrites principalement qui nous l'apprennent parce que l'archéologie ne nous le dit pas. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que en termes archéologiques, on ne trouve pas de traces de cette présence perse sur le sol carien pendant tout ce 6e siècle et encore moins pendant le 5e siècle. C'est un mystère qu'il faudra résoudre à un moment donné. La chose. Je vous parlais tout à l'heure de cette géographie un petit peu particulière, très montagneuse, percée de quatre vallées relativement profondes et qui font que c'est une région qui est difficile à contrôler, d'autant plus que les Cariens à cette époque-là n'habitent pas du tout dans les grandes cités de modèle grec, mais ils occupent principalement le sommet des pics montagneux. Et donc c'est une population qui est très disséminée et qui, à mon avis, était difficile à contrôler. Et on ne trouve en fait de présence perse vraiment à la frontière nord de la Carie, sur le grand axe qui est formé par la vallée du Méandre et qui était un axe de pénétration majeur depuis le monde Égéen vers l'intérieur de l'Anatolie. Et c'est là que les Perses se sont concentrés principalement. J'ai vu un de ces pics montagneux fortifiés que vous avez trouvé. C'est absolument incroyable. Une sorte d'énorme rocher tout en haut d'un massif, totalement fortifié. Ah oui, c'est assez impressionnant, avec des murs qui sont accrochés aux falaises. Et on se demande comment les gens vivaient là, mais c'est une des caractéristiques de l'habitat de ces populations avant le IVe siècle. Et ce site date de quelle époque ? Ah, alors le site que nous avons trouvé, on l'a trouvé en prospection, on n'a pas mené de fouilles malheureusement, mais disons qu'il a probablement une fondation autour du 5e siècle avant Jésus-Christ, puis il aurait été abandonné et ensuite réoccupé beaucoup plus tardivement à la période byzantine, lorsque les gens éprouvent le besoin de réoccuper les hauteurs pour se protéger. Alors désormais, la Carie est dirigée par un satrape nommé par Persépolis, notamment par Ataxerxès II. Au IVe siècle avant notre ère, une petite dynastie de satrapes locaux est plus connue que les autres. Son fondateur, Hécatomnos ? Oui, alors il faut savoir que au moment où la Perse conquiert donc cette façade égéenne, la Carie est composée d'une mosaïque de toutes petites principautés, des agglomérations fortifiées à la tête desquelles on va trouver des chefs de guerre, donc des dynastes locaux, des tyrans, comme les mentionnent les sources écrites. Lorsque le grand roi Artaxerxès II décide de faire de la Carie une satrapie à part entière, une satrapie c'est une province. Oui, c'est une province. Voilà, c'est une province administrative comme nous avons les régions aujourd'hui, eh bien les Perses divisaient leur empire en régions qu'on appelait satrapies, et à la tête desquelles le grand roi nommait un satrape. Et alors normalement, le grand roi nommait toujours un personnage de confiance, donc un personnage qui appartenait à sa sphère très très proche, un parent, un commandant en chef. Or, pour la Carie, et c'est exceptionnel dans l'histoire de l'Empire perse, pour la Carie, Artaxerxès II décide de nommer un de ses dynastes locaux, donc Hécatomnos, qui était à la tête d'une communauté sur le site de Mylassa. Hécatomnos fonde ce qu'on appelle la dynastie des Hécatomnides, éponyme, et il aura 5 successeurs, 3 fils et 2 filles, dont notamment le fameux Mosol, qui était son fils aîné. Alors, Mosol est bien sûr le plus connu. Il est plus connu parce que il a à son actif une des merveilles du monde. Oui, c'est Mosol, c'est celui qui a commandité, contrairement à ce que nous racontent certaines sources, qui nous racontent que c'est sa femme Artemisia qui l'aurait fait, mais Mosol a effectivement commandité une tombe monumentale au cœur de sa capitale nouvellement refondée à Halicarnas, une tombe monumentale qui a été inscrite donc sur la liste des 7 merveilles du monde, une tombe comme aucun Grec n'en avait vu jusqu'ici, et comme aucun Anatolien n'en avait vu aussi jusqu'ici. On doit s'imaginer comment ? Une sorte d'énorme massif C'est un énorme massif de 30 mètres de côté, de près de 35 mètres de haut, à 3 étages, un énorme podium en 2 morceaux, couronné par une superstructure à colonnade, avec plus d'une trentaine de colonnes d'ordre ionique, elle-même couronnée par un énorme toit pyramidal qui était, lui, surmonté par un quadrige, probablement dirigé par Mosol et son épouse Artemisia. Alors là, nous sommes à peu près dans les années 377-352 avant notre ère. Cette dynastie, les Hécatomnides, règne sur la Carie jusqu'à la conquête des Macédoniens. Ceux, bien sûr, d'Alexandre le Grand. Alors, il continue à régner même après qu'Alexandre soit passé, puisqu'il y a une histoire assez intéressante. À l'époque, nous sommes à la fin du règne des Hécatomnides. C'est la petite sœur Ada qui règne après la mort de son frère époux Idrieus. Et le frère époux, ça se pratiquait ? Alors, ça se pratiquait en Carie, apparemment. Comme en Égypte. Voilà, comme en Égypte. Ce qui rappelle les liens qu'ils avaient avec le royaume égyptien. Donc, le petit frère Pixodaros, qui était le dernier des héritier semble trépigner et il fait un coup d'état et s'empare du pouvoir, s'empare du trône et exile Ada. Et Ada, qui est une femme très intelligente, lorsque Alexandre pénètre par le nord de la Carie, elle se porte à sa rencontre et elle passe un deal avec Alexandre. Elle lui dit, voilà, je t'adopte en tant que mon fils à condition que tu me remettes sur le trône de Carie. Et c'est ce que fait Alexandre. On a une très belle description du siège d'Halicarnas par Alexandre, qui prend la ville, qui se débarrasse de Pixodaros et qui replace Ada sur le trône, et donc Alexandre est le dernier des Hécatomnides. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Olivier Henry, vous parliez de sites très largement pillés. Justement, le vôtre ne semble pas l'être, peut-être parce qu'il est très isolé de toute chose. Alors, paradoxalement, souvent les sites les plus isolés qui sont les plus pillés. Oui. En fait, le site sur lequel je travaille, le site de la Branda, c'est un site qui est certes isolé, mais qui a fait l'objet de fouilles archéologiques depuis longtemps, depuis 1948. Donc, en Turquie, à partir du moment où vous fouillez un site, vous êtes obligé d'en assurer la sécurité, avec notamment un gardiennage 24 heures sur 24, tout au long de l'année. Et c'est probablement la création de ces fouilles, et donc du gardiennage, qui a permis de protéger le site. Quel est le dieu qui est honoré ? Alors, c'est le Zeus Labrandos. Alors, il y a deux Zeus qui sont vénérés à Labranda, semble-t-il. L'un avant les Hécatomnides et l'un à partir des Hécatomnides, puisque Hérodote, qui est originaire d'Halicarnasse, donc il est à 50 kilomètres à peine de Labranda, et donc il connaît bien la région, nous parle de Labranda, il nous parle d'un Zeus Stratios à son époque, un Zeus Stratios dont nous n'avons absolument aucune source sur le site de Labranda, ce qui est un autre mystère que nous devrons résoudre. Mais à partir des Hécatomnides, le site est dédié entièrement à Zeus Labrandos, donc le Zeus de Labranda. C'est le dieu à double hache, c'est bien ça ? Il est effectivement représenté, portant sur son épaule droite une double hache et une lance à la main gauche. Et quelle est donc l'origine donc de ce culte du dieu à double hache ? L'archéologie semble nous indiquer qu'il faut en fait y voir là l'héritage d'une divinité hittite, de Tarunt, qui était le dieu du ciel dans le panthéon hittite, Tarunt dont nous avons des traces dans l'épigraphie carienne des 5e et 4e siècles. C'est le dieu de l'orage, c'est ça ? Exactement, c'est le dieu de l'orage, oui, et qui était systématiquement représenté dans les bas-reliefs hittites, portant lui aussi donc cette fameuse double hache. Comment se présente le temple de Zeus ? Le temple ou le sanctuaire ? Le temple, c'est un temple un peu classique, c'est-à-dire qu'à vers la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est un temple relativement simple, distillinanti, c'est-à-dire avec deux simples colonnes en façade. Mais à l'époque hécatomnide, tout le sanctuaire est transformé et le temple est agrandi. Notamment, on y ajoute une colonnade qui va faire le tour de ce temple, une très très belle colonnade, transformant donc le temple en un temple périptère. Olivier Henry, parlez-moi du bois sacré qu'évoque Hérodote. Excellente question. Les archéologues parlent souvent des bois sacrés. Oui. Alors, donc, c'était l'occasion de leur demander s'ils les avaient retrouvés. Hérodote nous parle d'un bois sacré de platane. Et comme je le mentionnais il y a quelques secondes, les Hécatomnides, à commencer par Mosol, et c'est un travail qui a été poursuivi par son frère Hydrius, ont très très largement transformé le site, qui s'est étendu très très largement. Et j'ai bien peur qu'ils aient rasé une grande partie de ce bois sacré, mais nous trouvons encore quelques platanes dans cette forêt de pins qui est devenue cette montagne du Latmos autour de la Branda. On trouve encore quelques platanes centenaires, non pas malheureusement millénaires, mais on trouve ce qui pourrait être en fait les héritiers de ce fameux bois sacré. Et le bois sacré, quelle était sa fonction ? Le bois sacré, c'est un sanctuaire. Vous savez, pour un sanctuaire, nous n'avons pas besoin de temple, on a besoin d'un sol qui soit un sol sacré, donc c'est-à-dire un sol qui n'appartient pas aux hommes, mais un sol qui appartient aux dieux. Ça peut être une maison frappée par la foudre en plein milieu d'une ville grecque, et on va donc protéger cette maison, puisque Zeus lui-même l'a désignée comme étant sa propriété, ou un bois, ou un pic montagneux, voilà, ça peut être absolument toutes sortes de choses. Vous dites que l'architecture du sanctuaire est somptuaire, mais aussi particulière. Pourquoi particulière ? Alors, elle est particulière parce que les Hécatomnides, donc, qui sont à l'origine de cette architecture très, très impressionnante sur le site, ont été des inventeurs d'une nouvelle culture carienne. J'ai l'habitude de faire cette analogie, on est en Turquie, et donc de parler d'Atatürk. Atatürk a transformé la Turquie en une Turquie moderne, avec un alphabet latin, avec un code civil, avec etc. Et c'est un peu ce qu'ont fait les Hécatomnides. C'est-à-dire que les Hécatomnides ont voulu transformer ce qui était donc cette mosaïque de petites principautés en une véritable nation carienne, et ils ont cherché à donner à cette nation une nouvelle identité culturelle, à travers notamment l'emprunt de très nombreux codes culturels originaires de Grèce, à commencer par l'abandon, par exemple, total de la langue carienne au profit du grec, et par le développement de cités de modèle grec, avec des villes de modèle grec au plan orthonormé, et avec une architecture qui pourrait s'apparenter à une des plus belles architectures grecques, sauf que ils sont joués avec cette architecture. l'architecture grecque, en mélangeant les ordres, en y incorporant des références perses. Et tout ça fait que lorsque cette architecture a été découverte à la Branda, qui est probablement le site le plus représentatif de cette identité culturelle, les chercheurs ont interprété cette architecture comme étant en fait une espèce de mauvaise interprétation barbare d'un art grec pourtant très connu et très développé. Or, aujourd'hui, on revient à des considérations bien différentes et on pense en fait à une créolisation. C'est-à-dire que les hécatomnides ont emprunté aux Grecs, ils ont emprunté aux Perses, ils ont emprunté à leur propre fond culturel pour créer quelque chose de nouveau. Donc créer quelque chose de nouveau avec de l'ancien, en disant voilà, ceci c'est maintenant la culture carienne. Ce serait durant donc le 4e siècle, sous les hécatomnides, dont bien sûr le roi Mosol, que ce sanctuaire trouverait toute son importance, toute sa puissance? Alors oui, tout à fait. En fait, les hécatomnides, comme je vous l'ai dit, ils cherchent à transformer donc cette mosaïque de petites principautés en nations, et vous pouvez imaginer que ça ne s'est pas passé très facilement, puisque leurs anciens collègues dynastes devenaient leurs hommes-liges. Et on a notamment des mentions de plusieurs décrets, des mentions de tentatives de meurtre, et notamment contre Mosol sur le site de la Branda lors d'un festival. Or, il fallait donc que les hécatomnies trouvent un appui très sérieux à leur autorité. Et ils choisissent le site de la Branda, c'est-à-dire qu'ils transforment ce sanctuaire en un sanctuaire pancarien, un sanctuaire régional, le plus important de toute la Carie. Et ils vont d'ailleurs afficher la figure de Zeus Labandos sur leur monnayage dynastique et associer leur pouvoir au pouvoir de cette divinité. Et d'ailleurs, à la Branda, chaque bâtiment que les hécatomnides construisent porte une dédicace de ces rois cariens en disant « Moi, Mosol, j'ai construit tel bâtiment pour Zeus Labandos ». Et ça se répète sur chaque bâtiment. Et donc, ils associent très étroitement leur pouvoir au sanctuaire. Et donc, plus le sanctuaire est puissant, plus leur pouvoir est puissant. Et donc, ils ont été des grands promoteurs de ce sanctuaire. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, pour les archéologues, puisque si l'on a le nom du bâtisseur du monument... Ah, mais pour nous, c'est fantastique, puisque, en fait, quand on fouille un bâtiment et qu'on se pose la question de la fonction et de la chronologie de ce bâtiment... Pas plus tard qu'il y a 2 ans, on travaillait sur un grand complexe architectural et on soupçonnait que c'était quelque chose d'intéressant. Et par chance, nous sommes tombés donc sur l'inscription, la dédicace qui nous dit « Moi, Mosol, j'ai construit ces andrones pour Zeus Labandos ». Et donc, on apprend à la fois que c'est un bâtiment qui date de la période de Mosol, puisqu'il en est le commanditaire, et on apprend aussi la fonction de ces bâtiments, puisqu'il nous parle d'andrones, ce sont des salles à manger, où les pèlerins partageaient le repas après le sacrifice. Alors, dans les années 350, enfin, dire 370-345, ce sont des terrassements absolument gigantesques qui sont entrepris. Alors oui, tout par, à fait. Cette dynastie. Oui, on a plus de 25 000 mètres carrés de terrasses qui sont construites. À l'époque, ce sont les plus grandes terrasses qui sont construites sur le sol anatolien. C'est très, très impressionnant. Et ils vont construire sur ces terrasses une architecture comme on n'en a jamais connue encore dans cette région anatolienne. Ce sanctuaire national des Cariens sera donc pour vous la vitrine de la puissance politique, économique, culturelle et bien sûr religieuse carienne. Ah oui, tout à fait. La double hache devient à cet égard l'emblème même des Cariens. Et cette double hache, on la retrouve déclinée sur un nombre d'objets incalculables. Lampes à huile, petits autels, briques, tuiles. Et on perçoit dans les périodes ultérieures et notamment dans les périodes romaines, lorsque certains bâtiments subissent des rénovations, on perçoit la volonté de vouloir maintenir cet héritage vivant, puisque même lorsqu'on va transformer des bâtiments et notamment en modifier les architraves qui portent ces longues dédicaces hécatomnides, eh bien on va prendre bien soin de retailler ces architraves sans toucher au texte et de reposer ce texte dédicatoire sur ces bâtiments qui pourtant sont des bâtiments romains. Olivier Henry, que sait-on sur les prêtres ? On ne sait pas grand-chose, malheureusement. On sait que les prêtres ont été très puissants à partir de la période des hécatomnides. On sait que c'était des prêtres qui étaient nommés à vie et donc ils avaient le temps d'installer un certain pouvoir local. On sait que pendant le 3e siècle avant Jésus-Christ, et il y a une lutte très très âpre entre le sanctuaire de la Branda et la ville de Milassa. Les Milassiens revendiquant la propriété sur le sanctuaire, leur propriété sur le sanctuaire, tandis que le grand prêtre, en l'occurrence un des grands prêtres très fameux qui s'appelait Coris, lui revendiquait son indépendance totale. Et il a d'ailleurs tenté de créer ce qu'on appelle une sungeneia, c'est-à-dire une petite communauté administrative dont le cœur était la Branda. Alors tout ça a été réglé par le roi macédonien qui a donné la propriété de la Branda à Milassa, mais cette capacité à plaider jusqu'à la cour du roi montre la puissance de ces personnages qui géraient le culte à la Branda. Oui. Et on a retrouvé donc les villages autour donc, de ce sanctuaire, les habitats des prêtres, des... Non, on n'a pas retrouvé à la Branda même d'habitat. Par contre, nous avons effectué ces dernières années une grande prospection archéologique tout autour du site de la Branda, puisque pendant très longtemps, on estimait que la Branda, c'était un peu un îlot de civilisation au cœur de montagnes totalement vides. Et on se rend compte, bien au contraire, que la Branda disposait d'un territoire qui était très densément occupé, mais occupé voilà, d'agglomérations ou de fermes liées surtout à la production, à l'agriculture, à l'élevage, à la production d'huile d'olive et de vin aussi énormément. Strabon évoque la voie pavée et processionnelle. Les fortifications semblent aussi importantes, avec une sorte de première enceinte et puis une acropole donc au-dessus fortifiée. Oui, cette organisation est une des caractéristiques un peu particulières du site de la Branda, qui ne ressemble pas vraiment un sanctuaire. Ce site est entouré par un réseau de défenses. Alors, c'est pas vraiment un énorme mur qui fait le tour du site. C'est plutôt des casernes qui sont implantées tout autour du site et qui contrôlent tous les accès du site. Et ensuite, le site est effectivement dominé par une très, très grande acropole à 11 tours. C'est un ensemble qui couvre plusieurs hectares. Et c'est ce qui nous fait aussi réfléchir à la fonction et à l'identité du site de la Branda au 4e siècle. Qu'est-ce qu'il y a dans l'acropole ? Dans l'acropole, malheureusement, pas beaucoup de choses. Beaucoup d'arbres aujourd'hui. Nous avons fouillé quelques secteurs au sein de l'acropole. On retrouve des vestiges de casemates qui datent d'abord du 4e siècle avant Jésus-Christ. Puis, on semble que tout ça soit abandonné à partir du 3e siècle pour être ensuite réoccupé bien plus tardivement à la période byzantine. Pourquoi ce site défensif ? Qu'est-ce que l'on essaie de protéger ? Et d'ailleurs, est-ce que l'on essaie de se protéger ? Ou est-ce qu'on n'essaie pas plutôt de contrôler l'accès donc, au sanctuaire ? La Branda a plusieurs caractéristiques qui sont particulières pour un sanctuaire. On a très souvent comparer la Branda au site de Delphes, par exemple, ce grand sanctuaire panhellénique. Même organisation en terrasse, même architecture somptuaire, etc. Sauf qu'à la même Branda... Même paysage. Même paysage, exactement. Sauf qu'à la Branda, on trouve des éléments qui sont tout à fait particuliers, tout à fait inhabituels pour un sanctuaire de modèle grec. À savoir, donc, cette série de fortifications, d'une part. On trouve aussi une très très importante nécropole, dont le meilleur représentant est une tombe monumentale qui domine la terrasse du temple et d'autres éléments qui sont relativement troublants, avec par exemple une multiplication de portes monumentales, de propylées. Là où on ne devrait en trouver qu'un à la Branda, nous en avons trois. Et donc l'ensemble de ces éléments nous amène à penser que en fait la Branda n'est pas qu'un sanctuaire. Certes, c'est un site qui est entièrement et intégralement dédié à Zeus Labrandos, mais c'est un site qui probablement, et on retrouve ici cette espèce d'ambiguïté et d'emprunt culturel qui caractérise les hécatomnides, un site qui probablement emprunte beaucoup à l'esprit des grands palais perses. Prenez Persépolis, par exemple. Persépolis, c'est un site qui est intégralement dédié à Ahura Mazda. C'est un site où les rois ne résidaient pas, mais où ils se rendaient plusieurs fois par an pour des festivals ou pour rendre justice, pour rencontrer leur peuple. Et on pense de plus en plus que la Branda est une espèce comme ça, soit de palais sacré, soit de sanctuaire palatial, qu'on avait bien entendu besoin de protéger et de traiter comme un véritable palais, avec sa nécropole royale, avec sa tombe dynastique, etc., etc. Olivier Henry, merci beaucoup. Je rappelle donc que votre mission franco-turque a été couronnée par le Grand Prix d'archéologie Simone et Cino Del Duca, décerné bien sûr par l'Institut de France. Carbone 14 était réalisé par Alexandra Malka, à la technique Ruben Carmazine et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon.